Et salut à tous les auditeurs de ORL, Otaku Radio Live. Ici Jeff, l'ingé son. C'est moi qui m'occupe de mettre les musiques en temps réel pendant les matchs. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour une émission un peu spéciale, comme disent les jeunes qui font des vidéos sur les internets. Et oui, je le savais. Ah, et je serai accompagné par Cheryl Tomoe. Bonjour à vous. Bonjour, jeune homme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur à Joba. J'enseigne la théorisation à partir de la troisième année. Quand je te l'entends, parce que je suis plutôt occupée avec ma chronique pour la Gazette de Tokyo, dans laquelle je fais des prédictions sur les prochains chapitres de manga ou d'épisodes animés. Et on ne peut pas dire que ça soit transcendant d'ailleurs. Il paraît que votre taux de réussite est en dessous de 1%. Et d'ailleurs, votre article est à la même page que l'horoscope. Tiens, un petit pronostic avant que ça ne démarre. Oh, le type va gagner. Non mais là, c'est France-Mexique. Oh, et bien Mexique alors. Et j'imagine que la victoire sera française du coup. La France, qui vient tout juste de se matérialiser sur le terrain, avec Ray, Iori, Lucky, Anali, ça fait beaucoup trop de noms finissant par Paris, alors on continue avec Olivia, Céleste et la capitaine Grena. La coach de cette équipe féminine est l'antipathique Kurenei. Et voici le Mexique, qui va l'emporter, soit dit en passant, avec maracas, tapas, tacos, faritas, tequila, mariachi et tortillas en speedjump. Le capitaine est à passer, leur entraîneur est le seigneur du cliché. Pour info, ils gardent le secret sur leur vraie identité. Mais dans un communiqué officiel, ils prétendent que ce sont réellement leurs noms de famille et que c'est juste un concours de circonstances. Je l'ai vu en rêve. En fait, ce sont tous des militaires surentraînés qui lisent 3 mauvais mangas par jour. Ce qui fait qu'ils ont toujours un niveau d'énervement extrême. Ils ne peuvent pas perdre. Ouais, ça m'étonnerait cette histoire. Cela dit, je dois reconnaître qu'ils ont un avantage physique. Toute l'équipe porte des armures de combat Plexus Alpha, légères et résistantes, un petit bijou de technologie, et même au-dessus des Firebody achetés par les Japonais l'année dernière, c'est dire. En tout cas, la France aura le terrain qui a des faux airs de Château de la Loire. Au centre, à l'endroit où le panier apparaît en fin de match, on peut voir un labyrinthe qui va probablement ralentir le Mexique si jamais ils arrivent à attraper le Quintana. C'est légal, mais rarement utilisé car à double tranchant. Ah, Madame Tomoy, il faut que je vous dise que nous ne serons pas que tweetés à commenter aujourd'hui. Et je vais vous présenter notre nouvel intervenant alors que le coup d'envoi est donné. Salut les petits lapins, c'est moi, j'abuse d'un banawa. Salut les petits lapins, c'est moi. Ah, c'est... Ah oui, c'est vrai, je vais un peu galérer parce que... J'abuse ? C'est bien vous ? Oui, je vous entends. Alors non, comme vous le savez, il est décédé. C'est juste que l'année dernière, il a voulu enregistrer des phrases typiques de commentaires sportifs d'Angelic Killer pour que les auditeurs aient un petit souvenir de lui. Bon, j'avoue, il y avait tellement d'heures de rush que j'ai pas eu trop le temps de tout écouter. Mais enfin, taisez-vous! J'essaie de rentrer en communication psychique avec mon ancien directeur. Non mais, vous m'écoutez, il est pas vraiment là, je viens de vous dire. Mais chut! Fantôme de Jabus. Yokai de l'au-delà, transmets-moi ton message. Bonjour. Oh, de binou, c'est une si grande joie. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, il y a déjà 2-0 pour la France, mais là je sens tellement le moment magique radiophonique, alors je vais continuer, si ça vous dérange pas. Hein. S'envole très haut dans le ciel. Non, ne partez pas, Jabus. Restez encore. Kami-sama, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Dites-moi, comment c'est là-haut? C'est du grand spectacle. Oh, attendez, oui, patron, oui, j'ai compris, on va commenter le match, oui, au revoir, bisous. Tacos, passe le boirf, tapas, et contrez pas, Yori Lavande. Vous avez toujours aimé parler d'Angelic Killer, mon cher ami barbu. Très bien, après tout, pourquoi pas. Mariachi envoie un cocard sur Yori qui lâche la balle, mais récupéré par Ray qui veillait au grain. C'est du grand spectacle! Ray envoie le barf entre les jambes de Mariachi le Keeper. Et but! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Wow, on va se refaire celle-là. Et but! 3, 1, 0. La France domine le Mexique. Aïe, beaucoup mieux. Aïe, on dirait que Tapas remonte les bretelles de son équipe. Mais... En fait, ils peuvent se parler entre eux sur le terrain. Oui, bien sûr. Mais je comprends votre confusion. Ça peut se faire, mais au niveau international, c'est assez rare pour éviter de dévoiler les prochaines attaques à l'adversaire. Il y a de temps en temps des échanges verbaux assez violents entre les speedjumpers. En fait, ils essayent de se déstabiliser pour prendre l'avantage. Oui, je vois. Oh, les Mexicains utilisent leur attaque Maya. C'est du grand spectacle. Comme un ancien jeu de cette civilisation ancestrale, ils n'utilisent plus leurs mains ni leurs pieds. Les handbreakers se servent directement de leur tête, coudes et hanches, ce qui déstabilise les Françaises. Et Tacos marque avec l'arrière de son crâne. 3, 1, 1. Remise en jeu. Le keeper, Céleste. Engage et pas ça. Ray de l'âge. Elle va tomber, je le sens. Ray perd l'équilibre. Vous voyez, je vous l'avais dit. Ray continue sa course et passe à Lucky. L'erreur est humaine. Peut-être que ma prédiction se réalisera bien plus tard. Lucky évite un cocard tiré par. Grosse gastro, je sais pas ce que j'ai. Ça n'enregistre pas ce bidule, hein, professeur Mendamingle. Mais non. Non, en fait, c'était Kila qui a envoyé le cocard, mais j'ai ripé, c'était la touche à côté, désolé. Oh, elle tire! Mais Mariachi a utilisé son spectaculaire coup du scorpion pour défendre les buts. Il a fait une roulade avant sautée et a dégagé le baf avec ses talons. Kamisama, c'est incroyable ce qui est en train de se passer! Ah, c'est du jamais vu en Coupe du Monde! Ta passe! Avance sur le flanc droit! Ta passe! Passe à... Tacos! Tacos file tout droit. Il renverse le jeu vers Maracas comme lui indique le seigneur doux cliché. Youhouhou, ta passe! Il est soutenu par Tequila qui renvoie des cocards venus d'éjecteurs. Le boirf s'envole très haut dans le ciel. Et Mariachi entre les poteaux entame une danse hypnotique qui déboussole les Françaises. Reprise en plein vol de Maracas qui tire! 3 à 2 pour la France. Et un temps mort est demandé. Alors que nous allons laisser la parole à notre correspondant pour les infos. Aujourd'hui, ça sera Force Bleue. J'en suis absolument certaine. Ici Force Rose, en direct du stade Ultraman à Hiroshima. Tu cherches des otakus de ta région? Envoie Hentai 8-12-12. Connecte-toi vite sur www.erzaapoil.net pour découvrir tes héroïnes préférées complètement nues. Il te suffira de débourser seulement 20 000 yens pour entrevoir enfin ce qui se cache derrière cet agaçant filet de fumée, toujours mal placé. Ici, l'ambiance est chaude entre les forces de l'ordre nippon et les fans de culture occidentale. Ils en viennent même aux mains. Le ministre anglais de la Japatitude, Bradley Shirobot, essaye de faire tampon entre les États-Unis et le Japon. À New York, des personnes cosplayées en super-héros ont déchiré le portrait d'un personnage de One Piece, le bien-aimé Trafalgar Law, au beau milieu de Trafalgar Square. Tout un symbole. Merci à tous et bonne fin de match, avec notre sponsor, les préservatifs Wasabix. Wasabix. Wasabix. Je souhaiterais profiter de ce moment pour donner une petite liste de mangas pas assez connus que j'ai aimés. Faites-en bon usage. Psychopass, Le Descendant des Ténèbres, Seven Seeds, Le Disciple de Doraku, DNA Carré, Daphne in the Brilliant Blue, Valkyria Chronicles et Ikkyu. Merci mon cher Dumby. Les deux équipes reviennent sur le terrain. Mais qu'est-ce que... Mais les filles françaises sont toutes en maillot de bain. C'est honteux! Ah bah oui, c'est sacrément honteux! Ah oui, je pense qu'on peut ressortir la phrase. C'est du grand spectacle! Ah, les Mexicains sont désemparés par cette tactique! Tequila a l'air d'avoir bu un coup de trou d'ailleurs. Il ne marche plus très droit. Ça vous rappelle ma jeunesse, tiens. Il se dirige vers Olivier Williams, qu'il semble trouver à son goût. Mais l'arbitre, le légendaire Denzetsu, le renvoie à son casque de réalité virtuelle. Et les Mexicains semblent avoir trouvé la parade. Ils se mettent tous torse nu. J'aurais préféré m'en passer. Autant Mariachi et Maracas, très beau jeune homme, autant Paricas a dû se laisser un peu trop aller, on dirait. Ah ben c'est clair que comparé aux Françaises... Et le match reprend. C'est assez équilibré. Nul doute que tout se jouera une fois n'est pas coutume sur la prestation des deux speed jumpers. Mariachi engage. Tacos, puis sur la gauche pour Tapas. Tapas, passe à... Tapas, passe à... Tapas. Il dribble quoi. Je sens qu'il va passer à Maracas au milieu. Tapas, contré par un cocard de... Un ami Yogia. Reprise dans l'autre sens par... Le Kisani. Anabi, qui est par ailleurs la demi-sœur de Kojiro, le shooter japonais. Comme quoi, l'AKA est une affaire de famille. Lucky, feinte le keeper mexicain et marque. 4 à 2. On dirait que le seigneur du cliché demande à son équipe d'utiliser la fameuse technique de la morsure du soleil. L'ange de tapas est plutôt costaud et va donc en première ligne, accompagné de tequila et faritas. Avec leur plexus alpha, ils n'ont quasiment pris aucun coup, contrairement aux françaises qui commencent déjà à fatiguer. Ah, les deux shooters se sont débrouillés pour récupérer des go-karts. Tacos et Aracas se transfèrent rapidement le ballon. Tortillas, le speed jumper, maintient Laetitia Grenat occupée loin du reste du groupe. La ligne de fond des Blades est joueuse et se retrouve facilement face à la gardienne. Tequila et Faritas tirent en même temps sur Céleste. Crystal est hors circuit par la violence du choc. Tacos marque en pleine lucarne. Il semble que l'ange de Céleste est endommagé. Et comme on dit chez moi, the show must go on. Enfin, on dit aussi Vegeta save the queen. Dites-moi, mon ami. Bonjour. Oui, bonjour. Je fais sans cesse des prédictions avec le verre d'eau et la feuille, comme vous me l'aviez appris pendant ma jeunesse. Mais est-ce que cela vous a vraiment aidé pour éviter les pièges de la vie? Je veux dire, est-ce que ces prédictions vous ont permis de mieux anticiper vos choix et ainsi de devenir le plus grand otaku que la Terre ait jamais connu? Quelle a été votre réaction le jour où vous avez prédit votre mort? D'ailleurs, est-ce que Bouddha sait que toute votre carrière n'est basée que sur ses visions? Et est-ce qu'il l'approuve? Ou devrais-je plutôt me reconvertir? Celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom. Vous pouvez bien nous confirmer qu'il est en enfer. Est-ce que vous pourriez demander au yokai qui réside dans les toilettes des filles de Jobar d'arrêter de beugler toute la nuit? C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah oui, celui-là. Comme le dit le proverbe japonais tout à fait authentique, on peut aussi bien prier une sardine. Ce n'est qu'une question de foi. Oui, je suppose. 5 à 4. Le match est équilibré. Alors que Tortillas affronte Grenade dans son camp, le shooter Mariachi s'empare d'un cocard venant d'un éjecteur. Mais Hanabi se dresse devant lui et tente de le tacler pour récupérer le ballon rouge. C'est le coup du sombrero, c'est magnifique! Il a passé Hanabi avec cette prouesse technique et envoie le cocard de toutes ses forces vers le duo de speed jumper. Tortillas s'écarte et Grenade se le prend en plein dans le ventre. Elle lâche son arme. Tortillas lui file un dernier coup de poing. Laetitia Grenat est à terre! Le Kintama est lancé par un éjecteur. La France est vraiment dans la merde, dans la mouise. Regardez Tortillas se faufiler entre les Françaises. Il est vraiment exceptionnel. C'est typique des Sagittaires de deuxième décan. Surtout qu'en ce moment, il a Neptune droit dans sa lune. Alors il ne risque pas de perdre. Il rentre dans le labyrinthe et tapasse Tacos et Tequila en garde l'entrée. Laetitia Grenat se relève. Olivia pose un cocard à terre et veut tirer sur Tacos pour libérer le passage. Ah mais c'était une feinte. Hanabi était juste derrière et frappe dans la balle. Elle donne un effet et nous avons l'impression que le cocard se multiplie. C'est la fameuse technique de la transposition. Tequila est visé et n'a rien pu faire. Déjà qu'il devait voir en double avec ce qu'il a bu, c'est normal qu'il se laisse surprise. Grenat se précipite dans l'ouverture et pourchasse Tortillas qui semble se rapprocher du centre, bien qu'il ait perdu du temps. Elle connaît le chemin par cœur et fonce sans s'arrêter. C'est du grand spectacle. Elle gagne du terrain mais il arrive au panier. Elle lui envoie son sabre de toutes ses forces. Le plexus de Tortillas l'a protégé du coup, mais il recule et se paye la haie. Le speed jumper tire fermement le Kintama, mais son adversaire l'attaque sans répit. Grenat donne un coup de pied circulaire au niveau du mollet, et Tortillas tombe en arrière. Waouh, balèze! Il réussit à frapper le ballon de l'autre jambe, comme une retournée acrobatique, pile dans l'axe du panier. Le Mexique va l'emporter. Mais non, Grenat saute! Quelle détente! Elle attrape le Kintama au dernier moment et met elle-même le panier. Victoire de... la France. Superbe performance. Enfin, je suppose, puisque j'étais pas là. Très beau match, mon bien-aimé Dom Minouchet. Ça, c'est joué à peu de choses. Une petite chanson pour la victoire. Aïe, qui est noy démo. Anidiotsuto. Sagashiteta. J'ai bien bossé, hein. Ah tiens, nous avons l'appel d'un auditeur. Allô, oui, comment vous appelez-vous? Ici Jamel Fort Tom Balawa. J'ai deux mots à dire à mon frangin soi-disant décédé. Oh là, encore une affaire de famille. Bonjour. Alors comme ça, je n'ai hérité que d'une simple carte Yu-Gi-Oh, hein? C'était pour me narguer, c'est ça? Tu sais très bien que je pige rien à ce jeu. Et en plus, un jeune m'a fauché le colis. Je ne peux même plus la revendre. Espèce de radin, Jabus. T'aurais au moins pu me léguer ton appart de 300 mètres carrés à Tokyo. Mais ne lui parlez pas sur ce ton. Sinon, son esprit va retourner au ciel, espèce de vieux fou. C'était super. Continuez de suivre la Coupe du Monde et venez mettre des lits sur ma tombe si elle n'a pas déjà été profanée par Warude Morute. Reste là, Jabus. Et pourquoi t'as refilé tout ton fric à la secte des enfants du Mont Fuji, hein? Allô? Bravo! Vous l'avez fait fuir! Mais vous vous rendez bien compte à quel point c'est difficile de rentrer en communication avec un mort? La ferme! Allô? Jabus? Allô? Merci d'avoir suivi ce match, et à la prochaine!